4:15, activation, dictation, articles, and gender of nouns. Listen and write in the article for each noun. 1. La maison. 2. Un douanier. 3. Une histoire. 4. Un crime. 5. Le jeu. 6. Une aventure. 7. Un éléphant. 8. Une dame. 9. Un aéroport. 10. Une maison. 11. Un chien. 12. Le film. 13. Le cinéma. 14. Une victime. 15. La police. 16. Un étudiant. 17. Une étudiante. 18. Le voyage. 19. Le roman. 20. La comédie.